طيب فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ضمير هي دي كومبين كاتيجوري بابا son apparence, son écriture. Pour l'instant, on a vu deux noms. Celui qui est en arabe, je ne sais pas encore, mais enfin, mot passé, les mots passés. Oui, comment tu connais ? Ah, mais je ne sais pas lequel est. Ah, regarde, tu veux te rappeler, c'est ça ? Ah non, mot passé, c'est celui qui est détaché, non ? Nam. Nam. Et mot passé, celui qui est attaché. Pense à Ittifal. Ittifal, pour dire rappeler, être en contact. Donc, Moutassil, c'est celui qui est attaché. Moutassil, c'est celui qui est séparé. Allez. Et par rapport au genre, ou plutôt au sens, il y a combien de catégories ? On l'a divisé en combien ? Sur le tableau, sur le côté, comme ça. Ah, en trois. Naam. En trois. C'est quoi les trois ? Il y a le Moutakallim. Moutakallim. Anna. Allô ? Pour le féminin, c'est pareil, Anna. Il y a le Mukhatab. Mukhatab. Ça c'est Anta, Anti. Naam. Et celui qui est absent. Ra'ib. Ra'ib. Naam. Et Ouahiyah. On a pris que le Mufrad pour l'instant, que le singulier. Donne un exemple de. Donne le Muttasila. Pour les trois genres, hein, le Mutakallim, le Ghaib, le Mukhatab. Mutakallim, comment tu dis ? Par exemple, avec un livre. Mon livre. Ah, mon livre. Allez. Kitabi. Donc, le Damir Mutasil, c'est Ya. Ya le Mukhatab. Après, si tu veux mettre avec. Mukhatab. Kitabuka. Naam. Le féminin Kitabuki. Naam. Al-Ghaib. Naam. Et on a dit que l'Arab de ce Damir, le mot de Tassif, c'est qu'il est Moudaf Ilay. Quand il vient après un Ism. Il est Moudaf Ilay. Hein? Il prend la dame. Sauf dans certains cas particuliers que. Le Hou seulement. Ouais. Les autres, ils restent. Qayyib. On avait dit quel exercice? Allez, il est là. Ça y est. Sur l'awel, Masmouka. Quel est ton. Comment je t'appelle? Quel est ton nom? Ismi Abdelkhalid. Min Aina Anta? Ana min al-Faransa. La. Anta min al-Jazair. Tabarra min Faransa. Anta min al-Jazair. Tentative les bêtes de l'islam. C'est parce que je sais écrire des Jazaïres, c'est pour avoir ça longtemps en arabe, c'est nouveau. Ah, t'as eu. Non, la diaphne demande, tu dis, il y a un Jazaïri, min Faransa. Non. Ahsan. Malouratouka, quelle est ta langue? Louratihia, mais je ne sais pas comment tu dis langue. Louratihia. Si tu voulais mettre Firansa ou. Elle est Faransia. La Faransouia, ça se trouve, c'est tout déjà. Faransia. Faransiya. Comment tu dis Anna Faransi? Là tu as juste un T à la fin. Marbouta. Faransiya. C'est tout. Quand on enlève le alif, tu mets un ya et ta marbouta. Comment tu dis par exemple, quelqu'un dit je suis français? Anna Faransi. Eh ben là tu rajoutes à la fin. Ta marbouta. Aïe, Faransi. Comme une femme en fait, elle dirait Anna Faransiya. Eh ben là c'est le même mot. Tu dis Mra'a Faransiya, Laura Faransiya. Tu vois? Aina abouka? Hiya al-lughatu al-faransiyya. Hiya al-lughatu al-faransiyya. Ou lughati al-lughatu al-faransiyya. C'est plutôt que ça qu'il voudrait en fait. Quand tu dis ma lughatuka, toi tu répondrais lughati, aywa. Hiya al-lughatu al-faransiyya. Inch'Allah ça va. Faransiyya. Naam. Aina abouka? Abi fi Faransa. Aina ummuka? Où est ta mère? Ummi fi Faransa aidan. Okay, ma mère est aussi en France. Alaka akhun? Non. As-tu un frère? Li, je ne savais pas comment on dit deux. Ah. Comment je dis deux? Faut dire akhawan. Ah ouais. on t'occupe, ça va venir Inch'Allah plus tard dans le duel. Écris-le si tu veux. Ouais. Acha. Avec un alif, acha. La waou la. Achawan. Nam. Et il se finit comment? Comme ça, achawani. Comme ça. Ni. Nam. Quoi ni? Ça va venir Inch'Allah le duel, le Moussanna. Je mets pas dire. Ah hein? Je mets pas dire. Y'a pas dire. Pourquoi? Tu veux l'enseigner? Non, je sais pas. Y'a pas dire, y'a pas dire. Comment je dis deux? Je vais mettre entre parenthèses parce que je crois pas que c'est pareil que le c'est. Là, le nombre 2, ouais, il n'aime. Ça dépend en fait que le duel s'emploie, il y a une règle pour employer 2, pour dire 2. Le nombre 2, c'est il n'aime. Mais quand tu dis deux choses, il y a une règle pour ça va venir dans le kitab, Inch'Allah. Non. Alaka Urtun, as-tu une sœur? Non. Li. Akhawad. Comment on dit? Combien t'en as? Urtani. Li Urtani. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullah. Okay. Indaka sayyara, as-tu une voiture? Na'am, indi sayyara, indi sayyara, indi sayyaratun, lakinnaha qadimatun. Na'am. Indaka darraja qadimatun. Indaka darrajatun? La. La. Akmil. Ma indi darraja. لا ما عندي دراجة. عندك قلم؟ أتي وستيلو؟ نعم عندي قلم جديد. طيب جن وستيلو. عندك دفتر؟ نعم عندي دفتر كبير. أبوك تاجر؟ لا. طيب. طيب. من أين محمد؟ محمد من فلسطين. ما لغته؟ لغته إذا كان من هناك ما لغته؟ كسرية. كن أفضل كل بريطانيا. طيب. تجي لغته لغة الإنجليزية. فتسكري إنجليزية إنجليزية. ب. ما هي إنجليزية؟ إنجلي إنجليزية. نون جيم زي يا تمربطه انجليزيه عفوا يا سي با يا لام بين الجيم والزي انجليزيه لا انجليزيه انجليزيه انجليزيه لا هو ها هنا اي جلس هناك جلس هناك طيب أين أبوه؟ أبوه في أمريكا. أين أمه؟ أمه معه. معه. ما معنى معه؟ على كيف؟ نعم. من أين حمزة؟ حمزة من الصين. ما لغته؟ الصينية. لغته الصينية. نعم. أين أبوه؟ لا يا ألف اللام لغته الصينية. لغته اللغة الصينية. نعم. ما هي الصفة؟ اللغة الصينية. الصينية هي صفة de ou نعت de لغة. أين أبوه؟ لا تخرج كلها. أبوه في اليابان. أين زينب؟ هي في البيت. وقرن في بيوتكن. نعم ها؟ كما قال تعالى وقرنا في بيوتكن يسمع دماء اين زوجها لا بطيع اين زوجها اين زوجها ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم هي ال ثم Aïna Zawjouha, où est sa femme? Là, à Zaynab, Aïna Zawjouha, son mari à elle. Moi, je veux, alors. Zawjouha, fil Jami'a. Zawjouha, mudarrisun? Naam, huwa mudarrisun jadid. Tayyib. Ah oui, c'est Tayyib. حط خمسة أسئلة وأجوبة كالأمثلة أو مثال الآتي. عندك قلمون؟ نعم عندي قلمون. donne 5 تذكر 5 je suis là c'est peut-être mais j'ai pas capté. Bah tu dois faire 5 questions et 5 réponses comme ça. عندك كلا؟ نعم عندي كذا. عندك كذا؟ نعم عندي كذا. عندك بيتون؟ عندك بيتون؟ نعم عندي بيتون. عندك كذا؟ نعم عندي كذا 5 fois. 5 exemples 5 bye improvise. بيت أمي يكفيك بيتي لا لا هذا il faut prendre les mots qu'il y a mis là non toi tu prends les mots de toi-même ça c'est rien ça c'est un autre truc en dessous ça c'est le khulasa du derf avec les domaines j'ai pas capté mais je crois que c'était c'est juste ça non ah faut aller inventer ah ouais ah j'avais pas compris ah d'accord ah bah là Là, probablement tu prends le mousbet, tu prends l'affirmation. Le menfi vient après. Tu dis naam. Naam. Indi darajatun. Naam. Umma, il en manque 4. Il en a 1. Il en a 5. Il en manque 4. Arba. Aindaka. Aindaka sabouratun. Naam. La. La. Pour l'instant, tu restes que le. Naam. Naam, indi sabouratun. Naam, indi sabouratun. Ou Alexandre. Les deux. Alors qu'il y a ça là, ça. عربي عندك حتى خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي عندك قلمون لا ما عندي قلمون بنت سانك اكزامبل avec le nafi أنت مغربي لا عندك كذا لا ما عندي كذا نعم عندك جوال ما عندك جوال عندك ماء لا ما عندي ماء عندك البيت عندك البيت لا ما عندي بيت عندك الولد أشكر للولد أفضل كل لك ولد عندك أفضل تقول ألك ولد عندك ولد نعم ولد عندك نعال لا ما عندي نعال Ça par contre c'est catégorique. Ah, y va. Par contre c'est ça. Tu peux dire ma au présent et ma au passé. Mais en tout cas ma vient pour le passé c'est obligatoire le nafik le verbe mardi c'est avec ma. Ma zahabtu. Tu dis pas la zahabtu. Et au présent tu peux employer. Tu peux employer les deux. Ça, tu peux dire la ma zahabtu. Là le la c'est il veut pas le nafik du verbe il veut le nafik de la question. Ouais, là, c'est la question. Lui il parle du verbe. Ah. Non. طيب عفوا نبي دي كوا طيب منو غن دون لو خامس تدريب خامس اضيف الاسماء الاتي ايش تريد الاسماء الاتية للمتكلم والمخاطب الغائب والغائبة كما هو موضح في المثال يبقى كو شاك دي مو لا كي سون ان تو voulez métier avec un damir muttasil, comme les exemples qui sont au-dessus. Au début dit kalem, après il fait aza kalami mutakallim, aza kalamuka mukhatab, aza kalamuhu ghaib muzakkar, aza kalamuha ghaib muannatha. Vous faites pareil avec kitab, va sarir ou ism ou kalata. Non, maintenant inchallah. Kitab, pas de valier de Kadir. كتابون هذا كتابي هذا كتابه كتابك هذا كتابه هذا كتابه نعم سرير لي هذا سريري هذا سريرك هذا سريره هذا سريره نعم اسم هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمه هذا منزلي هذا منزلك هذا منزلي هذا منزلي نعم هذا ابني نعم هكا هذا ابني بني سي اوتر سي لو ديمينوتيف تفخير على كل متكلم هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها نعم سيارة هذا سيارتي هذا سيارته هذا هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحه طيب هذا يدي هذا يدك هذا يدي هذا يدك أخطأت أنا بشتى بشتى أخطأت مع يد يد مذكر أو مؤنث يد مذكر أو مؤنث نعم Donc toi t'as dit Hada, faut dire Hadi. Toi t'as dit Hada Yadi. Cool Hadi Yadi. Aïe wa. Recommence. Hadi Yadi. Aïe wa. Yadi qui alors? Là? Yaduka? Yesh. La main elle est féminine mais la personne qui tu parles c'est un homme. Donc là, Hadi Yaduka. Hadi Yadou. Hadi Yadou. Arsant. Tayeb. Regardez maintenant. Lem harfo jar. Voilà, le mustah. On a appris auparavant li harf jar. Voyez, bada li Muhammadin, azali kaza, azali kaza. Aslan li, il s'écrit avec la kasra. Voyez, mais s'il vient derrière un damir muttasil, il va s'écrire avec une fatha. Voyez, laka. À part li, li avec les mutakallim, là c'est une kasra obligatoire. Parce que demain, après il y a un ya qui vient et tu ne veux pas mettre autre chose qu'une kasra devant un ya. Mais les autres, par exemple, bada. Adalaka, je vais pas dire Adalika. Adalaka, voyez. Donc là, le lem, il est plus avec une kasra et une fatha. Adalahu, voyez. Adalaha, ainsi de suite. Pas même. Mais c'est le lem, c'est le même lem, c'est harf jar. Et de là, on arrive à déduire que le domaine mutasil, il y a le tasil bi harf jar. Il s'accroche aussi au harf jar. Par exemple, on a pris comme harf jar min. C'est-à-dire la minni. Minhu, minka, minha, ainsi de suite. Ah. Ah, les dombaïs, ils s'accrochent aussi au khulouf jar. Vous voyez? Donc lorsque je dis Hada laka, la c'est le lem hafajar, et kaf c'est un dombaïr. Et il sera considéré comme étant un ism majrour. Il sera considéré comme un ism majrour. Sauf que la kafra n'apparaît pas parce qu'il est bemni. La haraka ne change pas à la fin. Parce qu'il y a hafajan, il rentre dedans. Tu parles du ka? Ah, il va, par exemple. Ou la ka ou la hu. Mais là, il n'est pas majrour alors. Où ça? La ka. Si, il est majrour. Ah ouais? Non. Mais la fin ne change pas. Voilà. Tu ne vas pas dire la ki. Voilà. Tu dis la ki, ça a changé de sens. Ça va être pour toi, une femme. Les damir, la fin ne change jamais. Ça va venir. Il y a des noms, la fin ne change jamais. Ça s'appelle des noms, un ism mebni. Vous voyez ? C'est quoi que ce soit qui rentre, le nom, si les mansoub, ou marfou, ou majurour, pour que ce soit, sa fin elle reste pareille. Ça, ça viendra après, Inch'Allah. Et le Damir, il n'est pas mis ces dons-là. Les noms dont la fin ne change pas. Donc quand tu dis Laka, Lem, Harf Jar, Wakef, c'est un Damir, mais en même temps, c'est un Ism Majrour. Comme on dit Baytouka. Harf Jar, le Lem, c'est Harf Jar. Le Kef, c'est un Damir, c'est un Ism Majrour. Comme on dit Baytouka, on a dit quoi? Bayt, Moudof, Wakef, Moudof, Ilay. Et pourtant, il n'a pas de Kasra à la fin. Le Kef, on a dit, c'est un. Un Damir. Damir. C'est un Damir quoi? Comment ça quoi? Moutafil. Tiens, lis l'exemple Abdelkader. C'est un 10. Ikra. Li ukhtun wahidatun. Lis d'abord les exemples en haut. Ah. Li laka lahu laha. Naam. Li ukhtun wahidatun. J'ai une sœur. Une sœur, naam. Summa, après. Après. C'est moi qui continue. Alors continue non. Alaka akhun, la mali akhun. Ah, tu as un frère? Non, je n'ai pas de frère. Donc la nafi, tu veux dire la mali akhun. Voyez, mali akhun. Comment tu dirais? Andaka kaza, la mali kaza. De la même façon, on te dirait elle a kaza takul la. Mali kaza. L'usloub, c'est le même, c'est la même formule. Summa. Toujours? Non. Ukhti laha tiflun saghirun. Ma sœur a un petit enfant. Zamili lahu akhun. Mon collègue ou mon camarade a un frère et une sœur. Naam. Et comme je vous ai dit, regardez, il dit Nakul indi kitabun wa nakul li akhun. La nakul indi akhun. Mais tu peux dire aussi li kitabun. Li kitabun, il peut se dire. Par contre, indi akhun, ça là-bas, ça ne se dit pas. Contrairement à ce qui est fortement répandu dans le parler des gens. C'est ça qu'il faut dire même. C'est pas ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Il faut éviter de dire Indi Akhun. Bien qu'aujourd'hui ça va se dire, ça va être compris, mais à la base, point de vue tarbir, Indi Akhun, c'est pas une formule correcte. Et maintenant on revient à Ma'a. Comme on avait dit, Ma'a c'est Zorf Maken, qui veut dire avec. Vous voyez? Non. La Zorf Meken. En langue arabe, il se considère comme Zorf Meken. Kharaja Habidun Ma'a Khalidin. Ma'a, quand il vient, Al-Asl, l'origine, c'est qu'il est Moudaf. Donc il vient d'un lieu à Moudaf Elayi. Comme Muhammadun Khalf Al-Bayti. Khalf, c'est Moudaf, ou Al-Bayti Moudaf Elayi. Enfin, souvent, le Zorf, il vient Moudaf. Très souvent. Vous voyez? Donc là, il est Moudaf. Ma'a Khalidin. Donc Ma'al est Moudaf, wa Khalidin Moudaf ilay. Zahaba al-Tabibu Ma'al Muhandisi. Zahaba c'est un fi'l, Madi. Al-Tabibu c'est le fa'il. Ma'a Zarf Mekan. Wa le Moudaf. Wa le Muhandisi Moudaf ilay. Jalas al-Mudarrisu Ma'al Moudiri. L'enseignant s'est assis avec le Moudir, avec le directeur. Jalasa c'est un fi'l Madi. Al-Mudarrisu c'est le fa'il. Ma zarf makan le mudaf wal mudiri mudaf ilay. Il n'y a rien de les deux ensemble, il n'y a rien de non. Ah voilà, mudaf mudaf ilay. Rabi'an manna'aka ya Ali ma'i zamili. Qui est avec toi ou Ali? Avec moi, on dira comme ça, avec moi mon camarade ou mon collègue. Ou plutôt c'est mon collègue ou mon camarade qui est avec moi. Donc s'il est avec Yam Takalim, tu vas dire Ma'i. Voyez. Et si c'est avec un Damir, Kef, Ma'ak. Voyez. Aminatu, Ma'aha, Zoduha. Aminatu est en compagnie de son mari. Là, on peut dire en compagnie d'eux. C'est le même sens. Voyez. فلا شاهد سي معها. طيب معها دونك لا ونمي معها المضاف اليه المضاف المضاف اليه سي كوا ها الضمير. خرج ابي من البيت من خرج معه خرج معه عمي. Donc mon père est sorti de la maison et qui est sorti avec lui, mon oncle paternel. Donc là le shahid c'est ma'ahu. Vous voyez ma'ahu. Là juste pour savoir il finit comment ammi. Là c'est ammi avec le yamutakallim, damir. Ah mais il finit comment si tu continues tu mettrais quoi? Comment ça si tu continues? Sur le ya c'est quoi la haraka? Il n'y a pas de haraka. Il n'y a pas de haraka. C'est comme kitabi. Pas de haraka. Le sakin. Par exemple, si tu dis Amir Kabir, imagine. Si tu mets les poils derrière, tu mets Fatha. Amir al Kabir, pour les petits cols sakinaïn. S'il y a un mot sakin qui vient derrière, il reste Ami. Ami, c'est Ami fil Beit. Ami fil Beit. Ali Folem, Amiya fil Beit. Après des exemples, encore avec le damir muttasil, baytun, baytuka, baytuhu, baytuha, bayti. Maintenant vous allez comprendre, abun, abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Regardez la différence qui est entre ab, akh ou bayt. Bayt, quand on met un damir muttasil et qu'il est marfou, il n'y a rien qui change, il s'écrit pareil. Amma ab wa akh, s'ils sont marfou et qu'il y a un damir muttasil qui vient, on met un waou. Voyez, on met un waou. Et ce waou, il prend la place de la damma. C'est lui le signe qui prouve qu'il est marfou. Ce waou. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est pas forcément le ism marfou, c'est pas forcément avec une damma. La damma, c'est l'origine. Et bien là, regardez, on avait un exemple d'une exception. C'est le waou maintenant. Voyez, ça s'appelle la semaine khamsa, ça viendra plus tard. Il y a 7 noms qui prennent cette règle-là, qui, lorsqu'ils sont marfou, c'est avec un waou. Quand ils sont mansoub, c'est avec un alif. Et quand ils sont majroub, c'est avec un ya. Et abou ou abouah sont partis de ces noms-là. Vous voyez? Donc là, on se contente du raf, marfou, fakat. Après le mansoub et le majroub, ça viendra après. Donc tu dis abouka avec un waou. Abou, abouha. Par contre, s'il y a le yamutakalim qui vient, tout qui tombe. Tu dis abi, tu dis pas aboui. D'ailleurs, il faut dire aboui aussi. Tu vas entendre dire aboui, aboui. C'est bon de dire. Et apparemment, c'est une langue ancienne. Apparemment, elle a une origine, tu vois. En tout cas, si au Yémen, tu vas entendre aboui, aboui. Ça veut dire mon père. Donc, n'aie pas peur. Vous voyez? Mais ce qui est connu, c'est que le yamutakalim, il prend directement la place. Mafou Mohamed. Ça y est. Alors après, il y a des exemples. Abi wa ummi fil bayt. Mon père et ma mère sont dans la maison. Ça, c'est que yamu takallim. Aina abuka ya hamidu zahaba il est souki. Où est ton père? Au hamid, il est parti au souk. Là, zahaba il est où le fa'il? Le fa'il il est où? Na mustatir, comme on dit. Et il y avait un qui? Il y avait un qui? Il vient à bout. Aïwa, il revient à bout. Un damir moustatir, il revient forcément à une chose qui l'a précédé. Il n'y a pas tout seul comme ça. C'est obligé, il y a une phrase avant, vous voyez, qui explique ce qui vient après. Qui précise ce qui vient après. Eh, aroka tabiboun, la wa mudarrisun. Est-ce que ton frère est un médecin? Non, c'est un enseignant. Zainabou fil Riyad, Akhouha fil Taif, ou Abouha fil Medina fil Munawara. On va dire Nabawiya. Khras. Yakfi, le Mazdik le Menadil. Zainab est à Riyad. Riyad, vous connaissez, Marlouf. Akhouha fil Taif. Pareil, Taif, c'est une ville en Saoudi. Ou Abouha fil Medina fil Nabawiya. Et son père est à Medina. Al-Talibu Abuhu وزير واخوه تاجر كبير. وعليكم السلام. هذا الطالب cet étudiant, son père est des ministres et son frère est un grand commerçant. ذهب اخي لمدرستي وذهب ابي الى الجامعه. Mon frère est parti à l'école et mon père est parti à l'université. Là, on va revenir à quoi ? Aux règles du tanouin sur les noms propres masculins. On avait dit quoi la différence entre les noms propres masculins et les féminins ? C'est quoi la différence ? Là, c'est pas ça la différence. Non, le nom masculin il prend tanouin et le nom féminin il prend pas de tanouin. On avait dit, hormis les noms masculins qui ont une apparence féminine. Et là, c'est ce qui va faire comprendre. Par exemple, Mohammedoun, Adi, y'a rien. Khalidoun, y'a rien. Hamidoun, Adi, y'a rien. Abbasoun, y'a rien. Mahmoudoun, Adi. Après, il y a Hamza. Hamza, il a une apparence féminine à cause du ta. Donc, tu vas dire Hamzatou. Talhatou. Talha, c'est un nom masculin, pareil. Oussamatou. Mouawiyatou. Ikrimatou. Ces noms-là, ils ont une apparence féminine à cause du ta qui est à la fin. Tamarbouta. Cependant, ils restent des noms masculins. Mais ils prennent la règle du nom féminin. Donc, il n'y a pas de tanouin à la fin. Il dit اقرا الاسماء الاتية واضبط اواخرها. Donc lis les noms qui sont là et mets ce qui convient à la fin. Est-ce qu'il y a tanouin ou pas de tanouin? الاسم الاول. Lis le nom avec la bonne prononciation. S'il y a tanouin tu le dis, s'il n'y en a pas tu le dis pas. Khalid, كيف تقول? عبد القادر. خالد. نعم. Hamza. Hamza. نعم. Ammarun, nam. Anasun. Muawiyatu. Hamidun. Usamatu. Akrimatu. Nam. Nam. Muhammadun. Nam. Talhatu. طيب. Maintenant le nouveau vocabulaire, kelimat al-jadida, al-zamilu, on a dit le camarade ou le collègue. Al-tiflu, c'est le petit enfant. Voyez, enfant en bas âge. Al-zawju, c'est le mari. Mais zawju, c'est les deux en fait. C'est l'homme ou la femme. Zawj, c'est l'homme. Et zawj, c'est aussi la femme. Il n'y a pas de différence. Tu peux dire zawja. Dans le Coran, c'est mieux zawj. يا دموس كل أنت وزوجك الجنة. طيب أبي توي تفهم ton épouse الجنة. الله يدي زوجها. il n'a pas dit زوجتها. زوجتك. dit زوجك. فهمت؟ mais tu peux dire زوجة. c'est venu dans le hadith. en tout cas زوج. c'est dire par exemple tu peux dire هذه زوجي en parlant de ta femme. pas obligé de dire هذه زوجتي. tu peux dire هذه زوجي. est-ce que quelqu'un te dit mais tu dis dans le Coran يا أخي. Dans le Coran, le Koweïtou, Marlouf, c'est le pays, le Koweït. Wahidoun, c'est un. Vous voyez, c'est le nombre, un. Al-Loratou, déjà passé, je ne sais pas pourquoi il le remet, c'est la langue. Quoi? Al-Lora. C'est la langue arabe, c'est la langue arabe. Al-Lora française, la langue française. Fata, c'est un jeune garçon. Maha, c'est un verbe avec qui veut dire avec. Vous voyez? Mava. Ça veut dire quoi déjà? Jeune garçon. Ça peut aussi un jeune serviteur. Comme Roulem. C'est le même sens que Roulem. Roulem, c'est un jeune garçon. C'est aussi ton serviteur. Et le yad Fata, il a quelque chose dessus ou c'est? C'est pas un yad, non, c'est un alif. Alif maksoura. Comme Moussa. Ça veut dire qu'on dit comment? Al-Fata. Hein? Al-Fata. Al-Fata. Pourquoi il y a un mot sur le nom? Ça, c'est. Tu dis pas Al-Fatan, tu dis Al-Fata. Et donc, c'est comme ça, mais il y a une règle, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, ils ont pas dû le mettre maintenant, mais ça ira plus tard. Ça. En tout cas, ça, quand tu prononces Al-Fata, comme Moussa, Aïssa, Al-Mustashfa. Vous voyez, ouais, on rentre dans le Ders 11, c'est une seule page seulement. En fait, c'est la suite de ce Ders-là. Il veut faire comprendre le domir qu'on est attaché à la fille, en fait. Mais on va en profiter pour réviser l'i'rab de ces phrases-là. طيب الدرس الحادي عشرة الأنزيم لسون جولي يقوم بقون الفراز كم ممكن ونحاول نسيت فيه بسخابلي لشوف كم سا ممتازة كم سا حبار كم سا كذا كم سا كذا طيب pour faire une révision بيتي le sujet c'est بيتي ma maison هذا بيتي voici ma maison Beiti amam el masjid. Ma maison est devant le masjid. Beiti jamilun. Ma maison est belle. Fihi hadikatun sagiratun. Elle contient un petit jardin. Adi rufati. Voici ma chambre. Fiha nafidatun kabiratun. Wa milwahatun jamilatun. Et dans cette chambre, il y a une grande fenêtre et un beau ventilateur. Hadha sariri. Wa hadha kursiya. وهذا مكتبي نعم on dit kursiya avec un mutakallim tu dis kursiya ça se dit comme ça ceci est mon lit voici ma chaise et ceci est mon bureau kursi quand tu mets liya mutakallim quand tu mets liya mutakallim tu dis kursiya ça va venir la règle hein il y a une fatha Coursilla. Non. Tout ça. Ça, c'est que pour le. T'as mis une kasra ? Il a fait une erreur là. Là, c'est une erreur. C'est coursilla. Ça se dit comme ça. C'est que quand c'est je. Avec le diaboutakalim, tu veux dire coursilla. Je dis hala coursilla. Eh non, pour dire c'est ma chaise. Et si je dis coursilla ? Eh ben, c'est une chaise. Non, je dis hala coursilla. Ah, c'est une chaise. Non, tu dirais Hadakusiyun. Hein? Ouais, mais quand tu arrêtes sans prononcer. Comme tu dis Hadabait. Et si je dis Hadakusiyun? Hein? Hadakusiyun. C'est quoi que tu veux dire toi? Hadakusiyun. Hadakusiyun? Les gens vont dire qu'est-ce que tu veux dire là? Ah ouais, carrément. Si tu veux dire ma chaise, c'est Kursiya. Si tu veux dire une chaise, Hadakursi. Ou Kursiyun. Hein? Non. Taïb. Saati. وقلامي وكتابي على المكتب ما مونتر مون ستيلو اي مون ليفر سون سور لو بيرو وحقيبتي تحت المكتب اي مون ساك اي سو لو بيرو نافذه غرفتي مفتوحه لا فنيت دو ما شامب ايت اوفيرت هذه غرفه اخي سي لا شامب دو مون فرير وتلك غرفه اختي اي سا سي لا شامب دو ما سور غرفه اخي كبيره لا شامب دو مون فرير اي غران وغرفه اختي صغيره لا شامب دو ما سور اي بتيت غرفه اخي امام غرفتي لا شامب دو مون فرير اي devant ma chambre وغرفه اختي امام المطبخ اي لا شامب دو ما سور اي devant la cuisine لي اخ واحد اسمه اسامه جي ان سول فرير اي سابيل اسامه ولي اخت واحده اسمها سعاد اي جي اون سول سور كي سابيل سعاد Abi wa ummi fi tilka al-ghulfati al-kabirati. Mon père et ma mère sont dans cette grande chambre. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. J'aime mon père et ma mère et j'aime mon frère et ma sœur. طيب هذا بيتي. هذا c'est quoi son dialogue? هذا بيتي. La première phrase. Mubtada. بيتي خبر مضاف مضاف إليه بيت مضاف تي عن الليار مضاف إليه بيتي أمام المسجد فبيتي لا سمتدا مضاف مضاف إليه كليا أمام ظرف مكان مضاف مسجد مضاف إليه أمام المسجد خبر بيتي جميل بيت مبتدا مضاف يا مضاف إليه جميل خبر فيه حديقة صغيرة Fihi, en fait, le chef du der, c'est ça, c'est Fihi. Si tu mets le damir derrière, Moutafil, ça y est, tu veux dire Fihi, tu veux pas dire Fihu, bien que Fihu, ça se dit. Ça peut se dire. Mais l'origine, tu dis Fihi. Ça y est, là, c'est Fihi avec un damir Moutafil. Donc Fihi, c'est quoi hein? Fihi, c'est quoi Fihi, c'est Harfajab, Ismajuro. Ah, comme fil bait. Donc c'est un khabar mukaddam. Fi c'est al boja. Fi c'est al boja et le ha c'est damir. Hein? C'est damir. Là c'est un damir. Là c'est harf al jar. Là c'est fi, c'est harf al jar, c'est pas un mudaf. Et tous les deux ensemble sont khabar mukaddam. Et le mutada c'est hadikatun. Et saghiratun il est. Normalement, vous ne devriez pas noter, vous devez savoir. Non, mais c'est des fois quand on achète. Hein? C'est quand on achète que c'est galère. Quand tu es chez toi, c'est. Juste noter des exemples. Eh! Rien. Ouais, Hadikatoun. Baiti Mouktada. Amam al-Majid, Khaba. Eh! Tal. Amam, tout seul. Dans le Makan. فيه حديقة صغيرة. دونك حديقة لمبتدا مؤخر صغيرة إلى كوا نعت بحديقة. لو كنت نكمل على العرب دوما إن شاء الله. juste on continue l'exercice. C'était Khabar Mukaddam. En même temps, c'est Harf Jar. Le Hi. Le Hi, c'est Isma Jour. Et Hadika Mutada Mouakhar. طيب اسم مجرور سلم اسم مجرور Parce que si lui il est Ismajour, il le hi, il est Ismajour, tu m'as dit. Aïe. Hein? Donc, si aussi. Ah non, c'est vrai, parce que. Ah, c'est vrai, c'est ça. Très bien. Ikra waktoub. Lisez les phrases et écrivez-les. En fait, tu veux me faire comprendre comment ça tranche le damir avec fi. Man, fi, hazal bait. Qui est dans cette maison? Fi, hi, hamidoun. Hey, dans cette maison. Il y a Hamid. Ayeb. Comment ça prend vie de matière? Mon livre, mon stylo et mon cahier. Man fil sayyara, qui est dans la voiture? Fi ha, elle est dans la voiture. Parce que le ha, elle revient à quoi? Sayyara. Eh, la taboune. Fi ha, oh, moi c'est effacé là. Abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Dans la voiture, il se trouve mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Vous voyez? Man fi masjid al-jami'a al-an, qui est dans la mosquée de l'université actuellement. Ma fihi ahadun, là c'est il n'y a personne. Le nafi c'est avec ma, pareil. Ma fihi ahadun. Man fi hadhihi al-ghulfa, qui est dans cette chambre. Fiha al-mudiru, vous voyez. Et dedans, il y a le directeur. Donc là, le dernier, c'était par rapport à Fihi. Là, le reste, on va lire demain, Inch'Allah. Que là, on va prendre un verbe mudariya, présent. On en parlera demain, Inch'Allah. Donc, ma foum Fihi, rien de compliqué. veut dire fika, fihi, fiha, ainsi de suite. Et c'est quand tu dis fihu, c'est là un mot mila. Fihu, dans le Coran, il est venu à alayhu, en surat al-Fath. Ouais. Et tu, il prend la même règle. Alayhu, c'est pareil que fihu. Comment ça? C'est alayhi en fait. C'est ala avec damir. Et pourquoi c'est alayhu? Bah, c'est une langue, elle dit comme ça. Tu peux dire alayhi, tu peux dire alayhu. Ah, tu peux dire les deux. Ah, ouais, tu peux dire les deux. Et fihu, fihi, pareil. Fihu, j'ai pas de shahid, mais en basant sur alayhu. Parce que alayhi ou fihi, c'est les mêmes règles. Donc là, je peux dire fihu, hamidun. Ouais, mais vite. C'est chaud, parce que tu peux engager un khilaf des gens qui savent pas, ils vont dire, ah, comment tu parles, tu vois. Ne provoque pas ce qui. N'engage pas ce qui provoque la parole des gens. Vous voyez? Fa ilahuna. Alhamdulillah.